Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique en ce beau jeudi 23 août 2012. Et oui, une autre belle émission qui s'en vient, mesdames et messieurs. On va vous parler jeux, bien évidemment. On va vous parler aussi d'événements vidéoludiques avec monsieur Diego Lamanan, qui est déjà en attente sur la ligne. Il était trop pressé de vous parler. Alors, une belle chronique qui s'en vient et évidemment des nouvelles. On va vous parler d'un petit truc qu'on a vu juste avant de s'en venir aussi à l'émission. Un petit luxe, on va vous en parler un petit peu rapidement. Et évidemment, avec monsieur Andrew Castegan, on va parler jeux vidéo. Il va nous faire une belle critique également. Salut Andrew. Bonjour monsieur Michaud. Et cette semaine, tu vas nous parler de quel jeu? Je vais vous parler du jeu Deponia, jeu développé par la compagnie Daedalic Entertainment, un petit jeu d'aventure point and click, old school, comme on les aime. On va chercher, ça va être un jeu PC, si j'ai bien compris. Bien sûr, point Excel. And click. Et c'est ça que je me disais, mais on sait jamais. Donc merci Andrew, on va parler de ça plus tard dans l'émission. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos anciennes émissions, podcasts et autres. Vous pouvez également aller visiter le site internet de CKIAFM, le CKIAFM.org, pour aller écouter les émissions en direct de toute la station directement sur le site. Allez nous encourager, Puissance Maximale, toute la station et les émissions qui sont à CKIA, là, en achetant votre carte de membre, ça s'en vient. Et d'autres gros événements à CKIA qui s'en viennent également, surveiller ça dans les prochaines semaines. C'est toujours possible d'aller sur le site également de CKIA pour aller chatter avec nous en ligne lors de l'émission. Là, un petit chat qui est installé pour faire un petit test là, pour les intéresser. Vous pouvez toujours vous rendre sur le site pour vous y connecter. Vous parlez d'élection parce que ça s'en vient rapidement. Autre site dont je vais vous parler rapidement avant qu'on parte en musique, c'est le blog des geeks chialeux. Et oui, c'est un blog éditorial qu'un ami, M. Julien Materne, a démarré il y a de cela deux semaines. Et moi et Andrew, on fait partie de l'équipe éditoriale et on fait quelques articles. On a commencé, Andrew a fait un article, lui, sur l'organisation de convention et moi-même sur un podcast audio, parce que j'aime parler au micro et où je demande aux geeks, aux gens en général, d'accepter la critique dans le monde des geeks. Donc allez voir ça, il n'y a pas juste nous, il y a d'autres personnes qui vont écrire sur ce blog-là, donc allez taper, c'est dans Blogueur en fait, vous allez taper Geek Chialeux, vous allez trouver ça rapidement. Donc voilà, c'était des petits rappels avant le début de l'émission et on commence en musique comme à notre habitude avec une excellente chanson de Sum 41 et ça s'appelle We're All To Blame. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Supersize our tragedy. Yeah. We've gone too far, pride to shame. We're trying so hard, we're dying in vain. We're hopelessly blissful and blind to all we are. We want it all with no sacrifice. Realize we spend our lives living in a culture of salute, say thanks to the men of the year. How did we all come to this? This dream that we just can't resist. And we're all to blame. We've gone too far, from pride to shame. We're trying so hard. Bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale, et on va vous parler tout d'abord avec Monsieur Diego Lamana, notre chroniqueur de l'univers du jeu, mais de l'univers étendu du jeu, et on va parler cette semaine d'événements vidéoludiques. Bonjour Diego. Bonjour Mickaël. Ça va bien? Très bien, toi. Excellent. Et ça va toujours très bien quand je fais l'émission, surtout quand t'es là. Et là, cette semaine, tu vas nous parler d'événements, de gros événements qui s'en viennent à Montréal. Et tu vas nous parler, premièrement, de quelque chose qui est quand même assez intéressant, le Sommet international du jeu de Montréal. Oui, donc c'est le Sommet international du jeu de Montréal a lieu dans le cadre du Festival numérique de Montréal. Donc, c'est les 2 jours sur 4 sont dédiés au jeu. Il y a une autre journée qui est dédiée au web et l'autre aux nouvelles technologies mobiles. Ça a lieu du 12 au 15 novembre 2012 à l'hôtel Hilton de Montréal. Excellent. Et là, il y a un aspect directement en jeu, mais là, nous, souvent, à Puissance Maximale, on parle souvent des événements style convention, soit que ce soit des conventions, on va en parler plus tard de Comic-Con, mais aussi des conventions d'animé. Mais là, on s'en va voir, est-ce que c'est principalement des conférences qu'on va voir à cet événement-là ou il y a d'autres choses? C'est principalement des conférences. Il n'y aura pas uniquement ça dans le cadre des 2 journées là du Sommet international du jeu. C'est effectivement un congrès qui est beaucoup plus axé sur les professionnels de l'industrie du jeu vidéo. C'est par exemple le plus gros événement là, au Canada ou de la côte Est qui permet de faciliter les échanges entre les intervenants de l'industrie, surtout au Québec, mais aussi à l'extérieur là, dans l'Amérique du Nord. Donc, dans les genres de conférences qu'on peut s'attendre à retrouver dans cet événement-là, je sais qu'on il y a quand même quelques gros noms. Quel genre de conférences on peut s'attendre à retrouver? Il y a par exemple le fondateur de Epic Games qui ont publié Gears of War, Arkham City, Mass Effect, qui va venir de nous parler des défis et contraintes dans les nouvelles générations de consoles. Donc à quoi les designers, les programmeurs de jeux peuvent s'attendre et c'est quoi les problèmes qui peuvent être anticipés de ce côté-là. Il y a aussi un autre un créateur de longue date, Peter Molyneux, qui est très réputé particulièrement en Europe, qui est créateur de jeux depuis 84, qui a travaillé entre autres chez Microsoft, qui va venir parler là, les prochaines innovations qu'on peut retrouver dans le jeu. C'est quelqu'un qui a beaucoup innové à l'époque des années 80-90 avec Populous, qui est comme un genre de civilisation, mais avant son temps, mais aussi avec Syndicate sur DOS dans les années 90, ou plus récemment avec Fable. Excellent, ouais, c'est un gros nom, mais je sais que là, présentement, M. Molyneux, il a quitté Microsoft, je pense qu'il est maintenant, il s'est relancé ou il est consultant, je crois, hein? Ouais, il a créé sa propre compagnie, je crois, c'est à vérifier, je crois que c'est 22 Cans qui vient de créer, donc, mais il travaille, donc c'est sûr, il va venir nous discuter de c'est quoi les innovations du jeu, lui qui a connu là, toute l'histoire là, depuis les années 80 là, en tant que professionnel de l'industrie. Quel autre gros nom on peut s'attendre à voir à cet événement-là? Vander Calabero, anciennement de EA Montréal, qui vient de fonder son propre studio pour créer un jeu triple A indépendant canadien qui va s'appeler Papo & Yo. C'est un jeu sur la PlayStation 3. Donc lui va nous parler c'est quoi les défis qui représentent de développer un jeu triple A. Donc c'est un très gros budget d'une manière indépendante et au Canada en plus. Donc il va venir discuter de ça. Fait qu'on nous parle, on va quand même avoir des conférences où on va nous parler des défis, entre autres techniques, mais aussi des défis de production, pas juste techniques, mais aussi financiers, d'organisation. Oui, et d'innovation aussi de design, comment qu'on peut faire avancer le jeu vidéo de par des innovations, soit de, comme je disais, de design, de gameplay et autres. Tous les amateurs, finalement, qui sont intéressés, parce que là, comme on a dit, on va pas juste parler du jeu, on parlera pas de jeu spécifique, mais on va parler de l'industrie. Donc, ceux qui sont intéressés, finalement, au développement du jeu et à l'industrie, au-dessous de l'industrie, c'est un rendez-vous, finalement, surtout avec des gros noms comme ça. Absolument, c'est ça. Donc, soit pour ceux qui travaillent dans l'industrie, c'est évidemment un sommet extrêmement important, mais pour ceux qui s'intéressent plus qu'uniquement là, à ce qui se trouve à l'intérieur du jeu, plus de penser le jeu vidéo différemment, c'est un incontournable cet automne. En dehors des conférences, ça, c'est les trois gros noms qu'on peut s'attendre à retrouver là-bas, mais j'imagine qu'il va pas juste avoir ces trois conférences-là. Non, ben là, c'est ça, les conférences sont pas encore toutes publiées sur Internet. Il y a uniquement les premiers gros noms qui ont été envoyés en communiqué de presse, je crois, cette semaine. Ça date du 21 août, donc c'est très récent comme nouvelle. Sinon, il va y avoir des conférences sur la musique dans les jeux vidéo, de quelqu'un qui a composé la musique pour Rage, Dead Space, Terra et RuneScape, qui s'appelle Rod Abernethy. Il va y avoir aussi des discussions sur la réalité virtuelle et les espaces immersifs dans les jeux. C'est quoi aussi les défis et les besoins des jeux mobiles. Et c'est quoi c'est quoi un jeu bien créé visuellement? Qu'est-ce qui est bien réussi? Comment qu'on peut le considérer ça? Et quelle manière on peut les analyser? Très intéressant, surtout côté mobile, j'avoue que c'est quand même intriguant de voir ce qu'il faut faire finalement pour développer un bon jeu mobile. On est là, on joue, mais on peut pas des fois comprendre toutes les contraintes. Et je dois lever mon chapeau aux organisateurs qui ont pensé à faire quelque chose sur la musique, parce qu'on aime bien souvent les musiques de jeux, mais comprendre tout le processus de création derrière ça, parce que c'est, je sais pas, par rapport à la création pour un film ou la création tout court là, pour une musique, pour faire un album là, à quoi on doit faire face comme compositeur. Très intéressant comme sujet. Chapeau à l'organisation d'y avoir pensé. Et à part ce genre de conférence-là, il doit y avoir d'autres types d'activités. Est-ce qu'il y a des trucs plus comment je peux dire ça, plus passifs, ou des expositions par exemple? Oui, il va y avoir une exposition, une galerie d'art qui va être exposée en plein centre là, durant tout le temps du sommet. C'est aussi donc ça c'est on peut il y a une invitation à participer aussi. Donc ceux qui désirent envoyer leurs œuvres peuvent le faire. C'est gratuit, pas besoin de se présenter dans le cadre là, du sommet international ou du festival, de supposer d'être présent pour présenter une œuvre, donc soit imprimée ou une minute de vidéo peuvent être présentées, et ensuite donc avoir une belle visibilité là, lors de l'événement. C'est par contre, il y a des frais de 25$ si on est choisi là, pour présenter pour l'impression de l'œuvre. Excellent. Et on parle de professionnels, donc j'imagine qu'il y a des gens aussi qui vont se présenter là avec des CV. Oui, absolument, c'est ça, il y a un salon de l'emploi. Donc faut aviser là, c'est ça, je vais aviser les auditeurs que le sommet coûte assez cher, c'est si on achète les billets maintenant, c'est 275$ pour les étudiants et 460$ pour deux jours si on n'est pas étudiant, et après le mi-septembre, les prix vont augmenter encore. Par contre, le bon côté là-dedans, c'est ceux qui sont intéressés à venir présenter des CV. Ils vont sélectionner 300 personnes selon les CV qui ont été envoyés pour venir participer à un salon de l'emploi à l'intérieur avec les grands noms là, du jeu vidéo qui vont être présents là, avec des kiosques pour discuter avec les participants et aussi ceux qui sont présents au sommet. Effectivement, j'avoue que pour les gens, des fois, c'est un peu cher, mais on va avoir accès directement aux gens de l'industrie, puis pas juste à pas n'importe qui, quand même à des gros noms. Donc, c'est quand même un pensée si bien, puis en plus, avec la galerie d'art, je trouve que c'est très, très, très intelligent. En plus, ça va nous montrer aussi des talents, des fois des talents cachés, qu'on n'a pas l'occasion de voir partout. C'est un peu difficile, des fois, de voir du character design ou même des designs d'environnement ailleurs que quand on a des amis. On s'est rarement exposé ce genre d'œuvre-là. Donc, très bonne idée de la part du festival de faire ça. Donc, oui. Donc on disait, c'est ça, 275$ pour les étudiants pour les deux jours, ou sinon 500$ si on n'est pas étudiant. Et faites ça vite, mesdames et messieurs, parce qu'avant le 14 septembre, ça va être ces prix-là, mais ça va augmenter tout de suite après. Oui, absolument. C'est ça, juste aviser, là, je ne sais pas si j'ai été clair, mais le Salon de l'emploi est gratuit pour les personnes qui ont été présélectionnées. Et pour envoyer, pour s'inscrire à cette activité, c'est mtldgtl.com. Donc voilà pour le sommet international du jeu de Montréal. Donc pour les intéressés, rendez-vous sur le site internet qu'on mettra sur le site de Puissance Maximale pour les intéressés. Vous pourrez aller voir ça directement. Et il y a un autre gros événement qui s'en vient. On en parle souvent à l'émission, mais il faut reparler parce que ça va être gros encore cette année. Le Comic-Con de Montréal qui s'en vient prochainement. Oui, ça s'en vient. C'est du 14 au 16 septembre au Palais des Congrès de Montréal. Donc, c'est évidemment le Comic-Con, c'est beaucoup plus large qu'uniquement le jeu vidéo, mais il va y avoir des activités assez intéressantes du point de vue du jeu vidéo. Et ça, contrairement au sommet du jeu vidéo, les prix sont beaucoup plus raisonnables. On parle de 50$ pour trois jours, et c'est sûr qu'il y a des forfaits de luxe là, beaucoup plus avec certaines petites bébelles qui viennent avec là, pour 85 ou 220$. Oui, c'est les passes VIP, là, des fois on a accès plus facilement à certains invités, parce qu'encore cette année, l'année passée, il y avait eu Stan Lee, Adam West, Burt Ward qui était là. Mais là, cette année, il y a quand même deux gros invités de marque. La rencontre des deux capitaines de deux générations. Donc, on parle du Capitaine Kirk et du Capitaine Picard. Oui, Stewart et Shatner vont être présents. Ils vont avoir une conférence-discussion entre les deux, j'imagine, évidemment, par rapport à Star Trek. Ça, c'est des points d'intérêt importants. Sinon, d'un point de vue peut-être un peu geek, il y a la Batmobile du film de 89 de Batman qui va être sur place. Et aussi la Mystery Machine dans Scooby-Doo. Oh! la fameuse Mystery Machine de Scooby-Doo. Alors, on en a pour les geeks, puis on rappelle que Comic-Con, c'est entre autres aussi une très grosse salle marchande pour les amateurs d'objets geeks, mais surtout de comics à l'américaine. Mais là, on parlait tantôt d'activités reliées au jeu. Il va y avoir des activités de création, je pense. Ça va être des discussions, des panels assez ouverts, je crois, là, que ça semblait montrer, avec les créateurs de Mass Effect 3 de BioWare Montréal, qui vont parler de c'est quoi les défis de création qu'ils ont affronté là, au cours de la création du dernier Mass Effect. Il va y avoir aussi l'équipe de développeurs de Assassin's Creed d'Ubisoft Montréal qui va venir parler là, c'est quoi les défis du récit dans le jeu vidéo et c'est quoi le défi de maintenir un univers fictionnel sur plusieurs jeux vidéo comme ils ont fait dans Assassin's Creed. Et la chose que je trouve qui va être très intéressante, c'est l'équivalent du Actors Studio qui font à Hollywood qui discutent avec les acteurs. Ça, par contre, ça va être fait uniquement avec les acteurs et actrices des jeux vidéo, dont par exemple certains de Splinter Cell, Assassin's Creed, Deus Ex et Far Cry. entre autres. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'entend que la plupart des gens peuvent penser que souvent que les acteurs qu'on va entendre dans les jeux vidéo ne vont faire que du doublage, mais au contraire, souvent, ils vont vraiment être... ils vont devoir incarner ce personnage-là aussi lors des enregistrements, puis souvent, ils servent de modèle. On n'a qu'à penser à Assassin's Creed lors la sortie du deuxième avec Manuel Tadros qui jouait le pape Borgia. Ben c'était pas mal son visage qu'on trouvait dans le jeu vidéo et sa voix qu'on entendait très bien. C'est vraiment un travail d'acteur qu'on... Je trouve ça très intéressant d'avoir pensé à présenter ce travail-là qui est quand même inconnu et souvent qu'on pense être seulement un travail de doubleur. Oui, et avec l'acteur... Généralement, avec le genre acteur studio, c'est qu'il y a des questions qui vont venir de la salle. Donc, ça peut être fascinant là, de découvrir le travail des acteurs et actrices là, de ce monde-là. Et les autres sujets qui ont moins attrait aux jeux vidéo, c'est cette année, c'est surtout l'horreur, bande dessinée, comique, évidemment, l'animé. Et aussi, il va y avoir une section sur le steampunk cette année. Oui, c'est le steampunk qui est de plus en plus populaire dans les conventions, que ce soit comic book, d'animé japonais. On voit une grosse sortie du steampunk. C'est très intéressant. D'ailleurs, là, j'adore ce courant-là. On le retrouve de plus en plus dans les conventions. Donc, pour les amateurs, finalement, de bonnes conférences, vous avez, comme on disait au début de la chronique, le Sommet international du jeu de Montréal. Tu peux nous rappeler les dates, Diego? Oui, pour le Sommet international du jeu vidéo, c'est du 12 au 15 novembre 2012. Et pour Comic-Con, c'est à peu près dans les mêmes dates, mais au mois de septembre. Oui, du 14 au 16, et j'ai pas nommé le site internet, Montréal Comic-Con, avec deux C, donc comiccon.com. Excellent. Donc, merci beaucoup, Diego, de cette très bonne chronique, comme à l'habitude, et on se revoit le mois prochain pour une autre chronique. Merci beaucoup, Diego. Les amis, Michael, toujours un plaisir de venir vous rencontrer. Merci. Et on continue en musique avec une chanson, ma foi, mythique, avec la chanson Safety Dance de Men Without Hats. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Save the dance. perturbation. C'est le plaisir des gens prudents. Puis il y a juste ma main qui n'a pas de belle-mère. Liki, li pour les grandes filles. Trois petits coups, les garçons. Quelle soirée parfaite. Pas de souper onéreux et ennuyant, pas de fleurs à offrir, pas de vêtements appropriés à choisir, aucun risque de grossesse et surtout, pourquoi s'embarrasser de partenaires tartes? Mesdames, joignez-y le gadget de votre choix, n'oubliez pas les piles. Messieurs, allongez-vous devant la télé, une production suédoise est tout indiquée. Je commence quand ça me tente, j'arrête quand ça me tente, aucun mal de tête, c'est vraiment la. Et oui, de retour à puissance maximale après cette ode au plaisir solitaire, un classique de la jungle qui était diffusé dans les années 90 à Québec. Voilà, c'était tout. Un clin d'œil au classique de la radio de Québec. Et maintenant, on va passer, après cette note humoristique, à quelque chose de très sérieux. Une critique de jeu et une critique de M. Andrew Castegan qui va parler du jeu d'Eponia. Oui, en fait, j'ai décidé de retourner dans les classiques. En fait, c'est pas un vieux jeu, mais le style de jeu est vieux. En fait, j'avais un petit goût ces derniers temps, un jeu d'aventure avec quelques puzzles, rien de ben compliqué, pas de touches et de munitions à gérer, juste souris en main et une humour franche et... ma foi, très divertissante. En fait, jeu qui a été sorti le 14 juin par Daedalic Entertainment, studio allemand, si je me trompe pas. Donc, allemand ou français, c'est un des deux. Jeu, dans le fond, aventure point and click, un peu comme qu'est-ce que... Ben, si vous connaissez Monkey Island... La série de jeux d'aventure Monkey Island par la série LucasArts ou encore... en fait, LucasArts était fort en tout court dans les jeux d'aventure avec la souris. C'est exactement le même style de contrôle. Vous serez pas dépaysé. Vous avez uniquement besoin de votre souris. Et ça se passe dans un monde imaginaire, dans le fond, plus exactement sur la planète d'Eponia, qui se retrouve en fait à être une gigantesque décharge à ciel ouvert. Donc, dans le fond, imaginez une planète que tout qu'est-ce que vous trouvez dessus, c'est des déchets. Pratique. Et il y a du monde qui vivent là-dedans. Et on va, en fait, contrôler Rufus, un personnage qui a un ego surdimensionné, qui, dans le fond, lui, décide de... qui veut quitter cette planète-là pour aller dans un monde meilleur. Parce qu'en fait, une chose à savoir, c'est que Deponia, c'est réellement une décharge. En fait, c'est une planète de gens pauvres et il y a des gens riches autour sur d'autres planètes qui, eux, envoient dans le fond leurs déchets sur cette planète-là. Donc, dans le fond, Rufus, c'est un personnage qui élabore toujours des plans pour s'échapper de la planète et trouver, construire des fusées, des choses comme ça et essayer d'améliorer son sort parce qu'il est tanné de vivre dans la décharge. Mais malheureusement, avec un de ses plans de... pour s'échapper, il se retrouve à rencontrer une jeune fille nommée Gaul, bref, je sais pas comment le prononcer, parce que j'ai joué pas mal, mais le personnage est comme la fille est amnésique, fait que elle se rappelle pas de ses affaires, fait que je sais pas comment le prononcer, mais bref, il se retrouve à rencontrer cette fille là, c'est une fille dans le fond qui vient d'une planète riche et confortable, venant d'ailleurs, et notre cher ami Rufus voit cette fille comme étant sa porte de sortie, mais elle se retrouve mêlée à un complot qui met la vie en danger de cette fille et se retrouve à lui sauver la vie et espérer être remerciée comme se doit. Mais pour donc, là, tu nous parles de l'histoire, Andrew, un jeune homme qui veut se sortir de sa condition et qui découvrira peut-être l'amour. Peut-être. Et devra combattre un complot contre cette jeune femme. Mais comment qu'on va combattre ce complot? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu? C'est un jeu de collecte d'items? Jeu de construction? En fait, c'est ça, comme les jeux d'aventure point and click, en fait, c'est que vous avez différents environnements que vous pouvez vous promener. Dans ces environnements-là, il y a des objets que vous pouvez ramasser pour vous permettre de faire des actions. Parce que généralement, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez une cinématique, il va arriver quelque chose à la fin de la cinématique et vous allez être dans le fond, bloqué dans l'histoire. Mettons exemple, la fille tombe dans les pommes. Fait que là, faut trouver une façon de réveiller la fille. Mais c'est jamais aussi simple que je vais y sacrer une claque pour qu'elle se réveille puis on continue. Fait genre, faut trouver quelque chose. Et pour trouver cette chose en question-là, on se retrouve à faire plein d'actions sous grenu qui peut être soit faire du taureau mécanique pour que le taureau cogne après un mur, pour qu'une clé tombe, pour qu'on pogne la clé pour ouvrir une porte, pour trouver une trousse de premier. Bref, t'sais, vous vous retrouvez en fait à faire quand même pas mal de collecte d'objets, de combinaisons, puis faire des actions pour vous permettre d'accomplir l'action, mais c'est jamais simple, c'est toujours compliqué. Il faut toujours trouver le mix parfait. Mais je vous dirais, c'est qu'est-ce qui fait le charme de ces jeux-là, parce que sinon, vous vous retrouveriez à regarder un film finalement. Mais je vous dirais que c'est si vous comme je disais plus tôt dans ma critique, si vous connaissez les jeux comme Escape from Monkey Island ou encore Grim Fandango ou même le jeu du film Blade Runner qui était exactement dans le même genre, ben c'est identique en tout point. C'est vraiment un jeu d'aventure point and click old school, comme la majeure partie des gens les aiment généralement. Là. Les amateurs de ce style-là sont assez conservateurs du style de jeu. Ils se tromperont pas. Non, ils se tromperont pas. Seul petit bémol, je vous dirais, c'est pas un jeu qui est sorti à l'extérieur de l'Allemagne et de la France. Pour ça, je disais que c'est un studio allemand ou français, parce que Daedalic Entertainment est un très petit studio, très petit budget, donc t'attendez-vous pas à avoir un jeu avec du 3D incroyable. En fait, il est en 2D, mais un très beau 2D, par exemple. On dirait vraiment un dessin animé. Le jeu est entièrement doublé. Par exemple, pour rendre le jeu accessible, il est en anglais, mais sous-titré en français. Donc, tant que vous savez lire, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez être capable là, de bien vous en tirer. Puis, en tant que tel, le jeu est... Au Canada, ça va être impossible pour vous, là, dans le fond, de trouver une copie physique de ce jeu-là. Il va vraiment falloir que vous passiez par les plateformes de distribution, soit Steam, ou encore aller acheter le jeu sur Daedalic Entertainment directement pour avoir une version là, une version numérique du jeu. Si vraiment vous êtes un puriste puis vous voulez vraiment avoir le jeu en version complète avec la boîte et tout ça, ben vous pouvez vous le faire commander, mais ça va être sur un DVD zoné européen. Je sais que les ordinateurs ils ont pas de problème avec ça, mais Des fois, il faut changer notre zone de lecture. Puis on a un nombre maximal qu'on peut faire sur notre lecteur. Ben ça, c'est surtout pour les films ou les choses comme ça. Sauf que les jeux, normalement, ça s'installe bien, mais ça cause que les cinématiques, il y a des risques qui soient compilés dans le mauvais format vidéo. Puis ça peut créer des petits problèmes. Tandis que si vous téléchargez la version numérique, c'est dézoné à 100%. Vous allez avoir la sainte paix, puis vous n'aurez pas à vous casser la tête à gérer des incompatibilités audio ou vidéo à cause que vous avez une version européenne du jeu. Et pour ce jeu, il faut s'attendre à payer combien? En fait, très abordable. Il tombe souvent en spécial, d'ailleurs, puisque c'est un jeu d'un plus petit studio. La dernière fois, je l'ai vérifié, je l'ai vu à 15$ sur Steam. Mais on parle d'un jeu qui a quand même une bonne durée de vie. En moyenne, sur Internet, il parle d'à peu près une quarantaine d'heures de jeu. Ah, quand même? Si vous prenez aucun un aide sur Internet, là, parce que je vous dirais, les puzzles sont quand même assez ferrés, je vous dirais. Là. Au début, la première mission qui est de faire sa valise, je vous dirais que j'ai cherché quand même pas mal. Donc, je vous dirais qu'il est quand même assez corsé. Fait que je vous dirais que vous allez avoir quand même de quoi vous faire les dents, puis en même temps... plus que le jeu a eu quand même un très bon succès en Europe, avec l'Allemagne puis la France, la compagnie a confirmé que Deponia va être le premier d'une trilogie de jeux. Donc, si vous cherchez une petite série old school, je vous dirais là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et en même temps, le jeu contient pas de matière mature au niveau pour les adultes. Il y a de l'humour à double sens, un peu comme qu'est-ce qu'on voit dans tout film d'animation, quoi que ce soit, qui s'adresse à tous âges. Mais le jeu est accessible à toute personne de 12 ans et plus. Donc, on connaît les classements de jeux. C'est accessible 12 ans et plus, mais un kit de 6 ans peut se faire du fun avec, puis il n'y aura pas de problème. Donc, c'est safe for everyone. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi sur Mac, Andrew, ou c'est seulement PC? Uniquement PC. Il n'y a pas eu de compatibilité pour Macintosh, mais j'ai vu quelques pétitions en ligne faites par des fans de Macintosh qui ont réclamé à Daedalic Entertainment de faire une version. Pour l'instant, il n'y en est pas question puisqu'il va falloir passer par le Apple Store et Apple serait un petit peu trop gourmand sur les parts qu'ils prennent sur les ventes du jeu. Donc, probablement quand Steam va être plus déployé sur les Mac, peut-être. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations pour une distribution sur Mac. Excellent. Merci beaucoup, Andrew. Et tu nous parlais du jeu Deponia disponible sur Steam ou directement sur le site de Daedalic Entertainment qui... qui a fait le jeu finalement. Donc allez chercher ça pour votre PC. Un excellent jeu d'aventure, point and click. Et on continue en musique avec La Sainte Paix des Cowboys Fringants. Écoutez, c'est toujours bon. Moi, je suis plus les premiers albums des Cowboys Fringants. C'est toujours bon à entendre. Donc vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. À l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, Franck Pithiot, interprète de Perceval dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier qu'on a eu la chance de rencontrer à Géanime 2012. Vous pouvez aller voir, écouter l'entrevue, tout le spécial Géanime encore sur le site www.puissancemaximale.com. Mais pour ceux qui n'avaient pas remarqué, c'était la version live de La Sainte Paix des Cowboys Fringants qui est disponible sur l'album Attache Tatuque. Et on y va en nouvelle ludique et je vais commencer par quelque chose que j'ai vu en m'en venant à l'émission tantôt, en passant devant le Futur Shop de Place Laurier, j'ai vu quelque chose d'assez intriguant. En fait, on a vu, moi et Andrew, quelque chose d'assez intriguant. Un vaisseau spatial. Écoutez, on passe en avant pour s'en venir à l'émission et on voit un fauteuil qui a l'air quand même assez confortable, affublé d'un support de métal et de trois écrans qui vient se placer devant ce fauteuil. Écoutez, j'étais sur le cul et j'ai vu quelque chose qui s'appelle Emperor, donc empereur. Et vous toujours remarqué mon excellente prononciation en anglais avec les R et même avec en français j'ai de la misère. R. Donc empereur, que c'est un siège finalement multimédia. Écoutez, j'étais assis sur le cul parce que je l'ai essayé véritablement. Je me suis assis dedans. Et c'est un siège multimédia où on pouvait brancher d'après ce que c'est un représentant spécial là, qui était là vraiment de la compagnie. Et je tiens à souligner que ce siège-là est fabriqué à Québec. Le métal qui sert à faire le siège vient de Lévis. Ils n'ont pas pu choisir une meilleure place. Une meilleure place que Lévis. Le meilleur acier que tu peux pas trouver à Québec. Bon, ben c'est à Lévis que... Non, j'ai pas participé. Non, t'es pas chauvin du tout. Et l'assemblage est fait ici à Québec, sur le boulevard Amel. Et c'est une compagnie qui s'appelle Lab MWE qui fait ça. Et c'est vraiment un siège multimédia sur lequel on peut brancher... Qui est, en fait, qui a un système de son Bose intégré dessus. Donc, quand je dis Bose, c'est B-O-S-E. Je pense que je le prononce comme faux, Bose. Il me semble que c'est comme ça qu'on le prononce. Ouais, ça me aussi. Donc, un bon système de son intégré au siège avec un support de métal où on peut venir accrocher jusqu'à trois écrans et on peut aller quand même jusqu'à 27 pouces d'écran avec trois écrans plats. très intéressant. On peut faire, évidemment, on peut brancher notre retour PC, on peut brancher Mac, on peut même brancher les deux en même temps pour avoir des un écran Mac, deux, vous voyez ce que je veux dire là. Et on peut même y brancher des laptops qui viennent se greffer à tout ça et qui suivent la chaise parce que la chaise s'incline, a le système de son, a un porte-gobelet. Écoutez, c'est une chaise très, très, très, très geek. C'est un luxe, bien évidemment. Pour ce qu'on a pu entendre du vendeur, il fallait s'attendre à payer environ 6 000 $ pour cette chaise-là. Mais écoutez, puissance maximale était tellement impressionnée qu'on va sûrement contacter les gens pour aller voir ça sur place, voir ce qu'il y a... Comment... Et en passant, advenant le cas que vous avez 6 000 $, est en spécial chez Future Shop actuellement à 5 500 $. Donc, vous sauvez un 500 $ si vous voulez vous payer un gros luxe d'une chaise geek. C'est quand même, ça prend quand même pas mal de place. Mais c'est très impressionnant. Disons que ça ne fit pas dans ton appart. Non, pas dans le mien. Mais dans le tien, oui. Comptez un 4,5 avec une pièce de trop, puis devrait être correct. Effectivement. Tout rentrerait dedans, puis même ta table de cuisine. Pas besoin de ça. On mange tout le temps devant la TV, tu sais. Donc, l'ordi. Vraiment... Ouais, l'ordi aussi. Donc, voyez, un beau siège geek de Lab MWE ici à Québec, boulevard Amel. Vous pouvez aller au mwelab.com pour aller voir de quoi ça a l'air. Et Puissance Maximale vous annonce qu'on va essayer de les contacter pour aller voir de ce que ça a l'air de plus proche, cette conception-là. Allez voir cette entreprise de Québec. Et on continue avec d'autres nouvelles ludiques. Deux nouvelles assez sérieuses. Une en premier avec Nintendo qui s'est fait épingler en fait sur un rapport sur les minéraux de guerre. Vous savez que pour la conception des appareils électroniques, souvent on a besoin de métaux précieux assez rares et que parfois l'origine de ces métaux-là, c'est pas toujours très clean, non même assez sanglant. Donc souvent dans certains pays qui sont riches en minéraux, il y a des armées locales qui vont justement aller chercher ces minéraux-là, souvent contre la volonté des populations locales, puis qui vont fournir les grands constructeurs. Et puis souvent cet argent-là sert à acheter des armes pour ces armées-là, des fois des armées d'oppresse qui vont vraiment oppresser les populations locales, des genres de guerrieros et autres corps armés comme ça qui oppressent les gens. Et maintes et maintes fois, ces fournisseurs-là ont été priés de changer. Les grandes compagnies ont été priés de changer de fournisseur. Il semblerait que Nintendo n'a pas vraiment écouté ces recommandations-là. Il y a un rapport du projet N9 qui est chargé de dénoncer les crimes contre l'humanité qui indique que la firme de Kyoto, donc Nintendo, est la seule qui a refusé de faire des efforts afin de contrôler ses chaînes d'approvisionnement. Donc une note de 0 a été attribuée à Nintendo qui figure au sommet de la liste des mauvais élèves devant les entreprises comme Sharp, HTC, Nikon et Canon. Donc, qui sont aussi au banc des accusés. Donc, qui ne veulent pas vraiment changer leurs habitudes. Contrairement à des compagnies comme Intel, Motorola, Hewlett-Packard, donc HP, et Apple qui ont été félicités pour leurs efforts. On sait qu'Apple, en Chine, certaines usines, ça a été pointé du doigt dans les dernières années, mais il semblerait qu'ils font des efforts. Donc, shame on you, Nintendo. Donc, en d'autres mots, achetez Sony, achetez Xbox. Achetez pas Sony parce qu'ils sont chiants ces temps-ci. Achetez Microsoft. Non. Encouragez Microsoft. Non, c'est ça. Mais bref, La Ouya. Faut encourager la Ouya. Ouais, c'est ça. Allez acheter indépendant. Mais très sérieusement, faut faire attention dans ce genre de choses-là. On en parle souvent et j'en parle dans le nouveau blog auquel j'ai participé. T'sais, acheter, c'est voter. Puis disons que c'est du comportement assez ordinaire, surtout de la part d'une compagnie qui se dit grand public, qui se dit familiale. Mais bon. Oui, Andrew, une autre nouvelle. Oui, je crois même que tu avais vu cette nouvelle. Ça avait apparu il n'y a pas longtemps. La société de cloud gaming OnLive qui a des difficultés financières. Même qu'elle aurait fait faillite. En fait, elle est sous la protection de la faillite à cause d'une gestion financière désastreuse. Il y avait eu rumeur, je crois, hier ou avant-hier. C'est sorti il y a deux jours qu'eux, ils étaient sous la protection des tribunaux. C'est ça. Sauf que tu sais qu'il y avait peut-être une compagnie ou un investisseur qui serait prêt à racheter le tout. Ça l'a tombé. Effectivement, OnLive va être racheté par la société Loader Partner, un investisseur réputé pour avoir placé des capitaux en 2009 dans le secteur du cloud gaming. Est-ce que OnLive va être sauvé? Est-ce que OnLive va fermer? Pour l'instant, rien n'est décidé, sauf que Lander Partner a promis de réembaucher au moins 50% des salariés de OnLive. Okay. Pour essayer de regarder ça et assurer aucune interruption des services pour les utilisateurs. Bon, on va le souhaiter aux utilisateurs du service online. On va continuer à suivre ça, bien entendu. Autre nouvelle, on reste dans le sérieux. On parle de EA qui ferait la promotion de la vente d'armes. Et là, je cite le site jeuxvideo.com. qui, bon, on connaît un peu avec le nouveau jeu qui s'en vient, Medal of Honor Warfighter, donc c'est un jeu de guerre plus moderne, donc on va combattre les méchants terroristes dans divers pays exotiques, et ils font des partenariats, bien évidemment, avec des... pas vraiment des partenariats, mais on va montrer des vrais modèles d'armes dans ces jeux-là, et il y a quand même... Il y a quand même certains partenariats qui se créent. Et comme on dit dans l'article, il est visiblement très fier du partenariat entre son studio Danger Close et des fabricants d'armes et d'accessoires militaires renommés. Un partenariat destiné à améliorer le réalisme et l'immersion dans le jeu. Electronic Arts ne manque pas une occasion de la mettre en avant, que ce soit sur le site internet ou par le biais des trailers promotionnels. On nous dit qu'ils sont allés trop loin parce que sur le... Il aurait fait finalement une arme spéciale, éditée spéciale de Medal of Honor, qui serait un Tomahawk militaire aux couleurs de Medal of Honor Warfighter, puis il ferait la promotion de ça. Donc c'est un, on peut se procurer des armes à ces couleurs-là, c'est un peu troublant. Puis évidemment, là, ça a créé une polémique. Certains observateurs se sont récemment fendus d'éditoriaux bien salés, jugeant la démarche scandaleuse. Et si quelques personnalités anti-jeux vidéo stimulées par la polémique sur la détention d'armes qui anime actuellement les États-Unis, quand même 3 massacres en dedans d'un mois, entre autres à Aurora, ils ont pas manqué de monter violemment au créneau pour justement aller dénoncer ça. Donc une belle, on se bat nous dans ce genre d'émission là comme à puissance maximale pour dénoncer un peu ces préjugés là, de dire que tous les jeux sont violents et que ça rend violent, puis on a des compagnies qui font ça. C'est vraiment ridicule. Vous êtes des jeux, arrêtez de faire la promotion d'armes. Puis on essaie tout le temps de dire aux gens, ben les jeux c'est ça influence pas les gens, mais là on fait du commerce et du commerce d'armes, ce n'est pas n'importe quoi. Mais bon. C'est ridicule, excusez. Ça me met un peu à terre de voir ce genre de nouvelles-là. Donc, s'il vous plaît... Veux-tu que je te calme? Oui, vas-y, Andrew. Mets une nouvelle plus... Comme tu sais, des fois, quand on fait de la radio, je regarde les fils de nouvelles pour voir les dernières heures. Et il y en a une qui vient de me popper dans la face. Et je sais que tu vas être content. Ah oui, vas-y donc. Black Isles Studios... Le studio à l'origine en arrière du premier Baldur's Gate, la première série Fallout, serait de retour. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut croire selon leur tout nouveau site officiel, leur tout nouveau Facebook tout neuf. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il va y avoir un rachat des anciennes franchises. Mais je crois que tu avais déjà parlé que tu avais vu des teasers pour un nouveau Baldur's Gate. Oui, ça s'en venait. Là. J'ai pas eu de nouvelles. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas eu de nouvelles par rapport à ça. Serait-ce grâce au retour de ce studio? J'ai bien hâte de voir, mais j'imagine, en tout cas, ça va leur coûter cher de racheter, je pense, la franchise à Bethesda, là, qu'ils sont propriétaires présentement. Ouais, ben à cause d'Interplay, effectivement, qui a fermé. Là. Alors, j'ai bien hâte de voir, c'est une très bonne nouvelle ça, pour les amateurs de jeux de rôle. Sur PC et ailleurs, peut-être qu'ils vont nous sortir autre chose sur d'autres plateformes. Mais c'est une excellente nouvelle. Merci, Andrew. Ma vie va beaucoup mieux depuis que tu m'as sorti cette nouvelle. Oui, je suis content, moi aussi. Merci beaucoup, Andrew. Et malheureusement, c'est déjà avec cette nouvelle-là, c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Ça va tellement vite. À chaque semaine, on se demande... comment qu'on va faire pour vous parler de tout ça en une heure? On aurait bien d'autres choses à vous dire, mais écoutez, c'est déjà la fin. Je voudrais remercier M. Diego Lamana qui était là au début de l'émission pour nous parler d'événements vidéoludiques, donc du Sommet international du jeu vidéo de Montréal qui va se passer en novembre et du Comic-Con de Montréal qui s'en vient rapidement dans les prochaines semaines. Donc 14, 15, 16, je me rappelle bien, septembre. Ça s'en vient rapidement, donc d'autres beaux événements. Merci Diego de nous en avoir parlé. Je remercie Monsieur Andrew Castegan qui est à la mise en onde et qui nous a parlé du jeu d'Epona. Merci beaucoup, Andrew. Toujours un plaisir. Merci. Et mon nom à moi, c'est Michael Michaud, votre animateur, chroniqueur, passionné de jeux et aussi passionné de vous. Toujours plaisant de venir vous parler jeux à chaque semaine à Puissance Maximale. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez chercher nos anciennes émissions, allez nous écouter. Allez sur la page Facebook également. Donc Facebook, dans la barre de recherche, tapez Puissance Maximale, vous allez nous retrouver très facilement et allez peser sur le bouton j'aime, parce que nous, on vous aime, on aime toujours ça. Vous parlez de jeu, n'oubliez pas, essayez de nous contacter si vous avez des un petit peu de promo à faire, vous voulez nous parler de jeu, vous avez des projets, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir à l'émission. Aussi le ckiafm.org pour aller chercher votre carte de membre pour CKIA, pour nous encourager les bonnes émissions comme celle qui nous suit à l'instant, l'émission La Bande Originale avec Monsieur Benoît Quentin qui va nous présenter de l'excellente musique de film comme à l'habitude. Et je suis toujours content de vous dire à chaque semaine de passer une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend.